donc dernière présentation de cet après-midi par Pascal Leroux, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est professeur en informatique, et non content d'être professeur en informatique, il est en plus directeur d'une école d'ingénieurs. Vous voyez tous les défauts qu'il a. Hein. Mais rassurez-vous, on peut quand même le garder avec nous, parce qu'en thème de recherche, il travaille sur un secteur des recherches informatiques qu'on appelle EIAH, c'est-à-dire les environnements informatiques pour l'apprentissage humain. Donc, l'humain sera avec nous et il va vous parler justement, je crois, du rôle, de la place, des représentations des technologies liées au numérique dans cet univers mondialisé. Bien, merci Jean-François. Donc effectivement, tu as fait l'introduction que je voulais faire. En gros, je suis professeur d'informatique, je suis désolé, nul n'est parfait. Je travaille sur les environnements informatiques pour l'apprentissage humain, ça c'est déjà un peu mieux. Mais je suis chercheur au CREN, alors là c'est parfait, ça me permet effectivement d'être introduit plus facilement. Alors, en dehors de cette introduction un peu sur la forme de blague. Néanmoins, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est une démarche scientifique que moi j'ai faite pour intégrer le CREN. J'y reviendrai justement à la fin de mon exposé en expliquant pourquoi. Alors, souvent, les technologies, quand même, c'est vu comme un miroir aux alouettes. Alors là, je vais repartir un petit peu des travaux de recherche, mais aussi, moi, je suis très en lien avec le terrain. Et là, si je remonte, quand je parle de CD-ROM, là, on remonte un peu à la préhistoire, mais souvent, quand on présentait un CD-ROM, on avait des stagiaires de formation, notamment professionnels, qui me disaient « Mais il ne suffit pas de mettre le CD-ROM et ça y est, tout est fait, tout est fini. » Ben non, non, ce n'est pas suffisant. Pareil, l'introduction de l'Internet dans les classes, à un moment donné, on a dit « Ça y est, c'est fini, les politiques étaient contents, on avait introduit Internet, donc ça y est, les élèves sauraient tout sur tout. » Les campus numériques, pareil. Au niveau de l'enseignement universitaire, c'était la solution à l'enseignement à distance, quelque part. Et là, j'ai mis trois petits points parce qu'on a différents exemples sur ce domaine-là. Donc surtout, je voudrais commencer en disant qu'il faut arrêter de prendre les innovations technologiques pour ce qu'elles ne sont pas. C'est-à-dire une réponse à tous les maux dans l'enseignement et la formation. Ça, c'est déjà un premier point. Et moi, je ne me place pas dans ce cadre-là en disant, voilà, je suis le magicien qui va vous apporter une solution numérique, informatique, et ça y est, c'est clé en main, vous allez pouvoir fonctionner. Non, ça ne marche pas comme ça. Par contre, il ne faut pas jeter non plus la technologie. Pour moi, il faut vraiment profiter des avancées des technologies, donc la puce numérique, puisque c'est le cas, c'est ce que j'entends en fait par technologie, pour créer de nouvelles activités et dispositifs d'enseignement et de formation, c'est-à-dire profitons en fait des nouveaux dispositifs, des nouvelles applications, des nouveaux systèmes informatiques, pour créer de nouvelles activités, pour faciliter aussi des apprentissages, pour aider les élèves, les stagiaires dans leurs activités, parce que si on peut le faire, autant effectivement créer des systèmes pour le faire, mais aussi pour soutenir les enseignants et formateurs dans leur métier. Vous voyez bien que là, moi, mon approche par rapport à l'usage et à la conception en fait, de dispositifs informatisés pour l'apprentissage humain, c'est bien une intégration par rapport à des activités et en lien avec des acteurs. Donc là, je vais vous présenter quelques exemples sur ces quatre thèmes qu'on a pu développer, nous, au niveau recherche, et qui sont même allés jusqu'à une diffusion dans les classes. Premier point, faciliter les apprentissages. Si je prends, par exemple, l'enseignement, la technologie et l'informatique, on en parlait tout à l'heure avec les aspects donc, robotiques. Moi, je suis parti, alors ça, c'est ce que j'appelle, c'est une partie de mes recherches autour de ce que j'appelle la robotique pédagogique. Comment utiliser des petits robots? Alors, ce n'est pas du Lego, là, c'est du Fisher Technique, mais c'est le même principe. Ce sont des robots qui sont pilotés par ordinateur, d'accord? Et comment mettre un environnement de programmation? Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grâce à un environnement de programmation, on va pouvoir donc piloter ces petits robots donc dans les classes, avec des élèves, et là, on va pouvoir travailler l'enseignement de la technologie et l'informatique à partir de ce dispositif. L'intérêt, notamment d'un point de vue programmation, c'est que lorsque vous faites un programme, vous allez le faire par votre robot, et donc les erreurs de votre programme vont être réifiées en fait dans le comportement du robot. En fait, le robot va vous envoyer une image en fait de vos erreurs. Et ça, c'est particulièrement intéressant d'un point de vue de l'apprentissage de l'informatique. La technologie, c'est pareil. Quand vous êtes amené à construire ce petit robot, ben vous apprenez ce qui est une rotation, ce qui est une vis sans fin, etc., etc. Donc là, nous, en fait, on a travaillé sur cette problématique-là, comment apporter, je dirais, un soutien, comment faciliter, en fait, les apprentissages au niveau donc, de la technologie et de l'informatique, et en aidant aussi, quelque part, l'élève, puisque ici, par exemple, l'environnement de programmation que vous avez là, tout se fait à la souris. vous n'avez pas de faute de syntaxe, vous n'avez pas le langage de programmation à apprendre, etc. C'est un langage qui est proche du langage naturel, au point de vue algorithmique. Voilà, donc on facilite aussi, on aide l'élève par rapport à ça. Donc là, vous avez un exemple d'une situation en classe, hein, et là, vous voyez, ça date de 1995, avec un système qui s'appelle Robotitch, que j'ai développé, moi, dans le cadre de mes travaux de thèse, et qu'on a poursuivi après au niveau industrialisation, et qui a été diffusé dans les collèges et en formation professionnelle. On pourra y revenir éventuellement tout à l'heure, un peu sur un retour d'usage par rapport à ça. Deuxième point, on peut aussi utiliser l'informatique pour aider les élèves et les stagiaires. Alors, un exemple toujours par rapport à mon système, la Robotitch. En fait, qu'est-ce qu'on a sur ces écrans-là ? L'élève, en fait, a un problème par rapport au fonctionnement de son robot. Il le dit à la machine, sur le système informatique, j'ai un problème. En fonction de ce qu'il a donné comme information au système informatique, le système, lui, est capable de lui proposer une série de problèmes que l'élève va sélectionner un. Et ensuite, on a un système, en fait, ce qu'on appelle un petit système intelligent, un système expert, en fait, issu de l'intelligence artificielle, qui va, en fait, à partir des informations qu'il va avoir, proposer une aide à l'élève qui va arriver là sur son écran. Ce n'est pas lui dire ton erreur est là, c'est lui dire, lui donner un conseil pour justement résoudre son problème, l'allier à la robotique pédagogique. Donc là, on voit bien que le système informatique peut aider en fait les élèves, les stagiaires, à un moment donné, dans leurs activités. Donc ça, c'est un autre point d'utilisation des technologies. Un autre point, soutenir l'activité des enseignants. On est toujours dans un contexte là, de robotique pédagogique, on est toujours dans un contexte de classe, et là, on a essayé de réfléchir à la problématique en fait, du soutien des élèves à distance. En gros, vous avez une classe avec plusieurs groupes, voire même éventuellement géographiquement dispersés. Vous avez un enseignant qui est à distance. Et en gros, comment cet enseignant va pouvoir aider ses élèves, ses groupes d'élèves, à partir d'un système informatisé. Donc voilà le système que vous avez sous les yeux. Donc en fait, on donne des éléments à l'enseignant qui va lui permettre de percevoir en fait ce qui se passe à distance. Donc là, vous avez donc ici ce qu'on appelle un espace de classe virtuelle, c'est-à-dire que vous avez plusieurs groupes d'élèves donc, qui se trouvent dans leur classe. Ici, vous avez un espace qui est lié à un apprenant ou à un groupe d'élèves. Et qu'est-ce qu'on fait là, grâce à ce système ? C'est tout simplement, on va pouvoir voir ce qu'a fait l'élève ou le groupe d'élèves au cours de ses activités. D'accord ? Donc là, on a ce qu'on appelle maintenant des traces. Vous entendez un petit peu l'informatique maintenant. On parle beaucoup de traces. Ben là, en gros, vous avez une représentation un peu des traces de ce qu'a fait le groupe d'élèves par rapport aux activités qui ont été prévues par l'enseignant. Vous voyez, là, il y a des petites zones grisées, ici notamment. Là, ça veut dire en fait que les élèves interagissent énormément avec le système informatique. Donc, ces petits éléments, là, l'enseignant, quand il regarde ça, il voit effectivement ce qui se passe et il voit quel type d'interaction a l'élève ou le groupe d'élèves dans ses activités. Ici, c'est si on veut aller voir plus en détail. C'est-à-dire qu'en gros, on va prendre là une action, par exemple ici la description, on est ici, et on va aller voir dans le détail ce qu'a fait le groupe d'élèves. Là, vous avez ce qu'on appelle des avertissements. C'est-à-dire que le système, en fonction de ce que fait l'élève, va être capable éventuellement de dire à l'enseignant, bah, peut-être que là, on a un souci, là notamment ici, description d'une rotation inattendue. C'est-à-dire que l'élève, il a fait quelque chose qu'on n'était pas en droit d'attendre de lui à ce moment-là, l'activité. Donc on ne va pas forcément intervenir directement, mais en fait on va alerter l'enseignant à distance, qui lui va pouvoir venir voir éventuellement des éléments, et si besoin, il va intervenir grâce ici à des outils qu'on trouve là, une intervention, soit éventuellement envoyer un message, etc., etc. Et en haut, vous allez donc retrouver en fait des avertissements liés aux différents groupes. Ça veut dire que lorsque vous êtes en train de suivre un groupe, le système peut vous dire, attention, il y a peut-être un groupe qui est un autre endroit avec lequel on peut éventuellement avoir des problèmes. Le système ne dit pas que l'élève est en difficulté, il dit juste il peut effectivement se produire un problème là avec les élèves. Voilà un exemple là, de soutien d'activité aux enseignants possible qu'on a pu développer, qu'on a pu tester en situation réelle de classe, donc dans un collège en France. Autre point, utilisation des technologies pour créer de nouveaux dispositifs. Là, notre problématique, c'était de voir comment on pouvait, en fait, mettre en place des projets collectifs à distance. On a un peu parlé tout à l'heure, la collaboration ou la coopération, ça ne se décrète pas. Vous pouvez mettre le système comme vous le souhaitez, si les gens n'ont pas décidé de coopérer ou de collaborer, vous n'aurez pas de collaboration ou de coopération. Donc nous, on est parti de cette problématique-là et en se disant, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut structurer les activités, comment on peut structurer en fait le système informatique de manière à créer en fait cette interdépendance, à créer cette coopération, cette collaboration. Donc là, on a schématisé ça un peu sur cette diapo. Vous allez avoir donc ce qu'on appelle nous un espace de coopération locale dans lequel vous allez avoir un groupe d'élèves, 2, 3, 1. Alors là, on n'est plus sur un groupe, on est sur un sujet qui va manipuler et construire donc des petits robots, qui va interagir avec un système informatique comme on a vu précédemment là, par rapport à mon système robotique, le tout étant contrôlé mouvement. Là, j'ai rien de plus que ce que je vous ai présenté avant. Vous allez avoir ça donc, à différents endroits. Votre enseignant qui, lui, va interagir avec son poste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers les réseaux informatiques, tout est relié. Ça veut dire que les groupes peuvent interagir entre eux. Ça veut dire que l'enseignant peut interagir avec les groupes. Donc là, vous créez en fait une situation qui va vous permettre d'avoir des échanges, d'avoir potentiellement une activité collective entre les apprenants. Donc, on l'a fait autour d'un projet lié à un concours de robotique en France, le concours à 90 km du Mans, où là, le cahier des charges en fait, de ce projet, c'était tout simplement de construire un petit robot qui suit une ligne noire, qui passe entre deux quilles, qui fait tomber une quille, qui passe sur un pont, qui prend une balle et qui va déposer une balle dans un des trois trous. Et l'idée, c'était, le principe, c'était que un groupe d'élèves, construise en fait un robot qui réponde à ce cahier des charges, le tout étant à distance. Donc pour ce faire, on a en fait mis la situation suivante, on a trois collèges, donc distants. Dans chaque collège, on a en fait un groupe d'élèves, donc là c'est challenge 1 et un deuxième groupe qui s'appelle challenge 2, et deux enseignants à distance, donc moi-même j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, hein, vous voyez, je suis un peu moins blanc, hein. Et c'est bien Céa Georges avec lequel on a travaillé, avec qui j'ai travaillé notamment par rapport à cette thèse. Donc voilà la situation dans laquelle on était. Donc les élèves ont travaillé pendant un certain nombre de semaines, ils ont dû coopérer puisqu'ils ont dû se partager le travail, savoir comment on allait décomposer le robot, savoir comment en fait on allait après répondre à chaque point du cahier des charges, notamment chaque groupe est devenu responsable de la conception d'un des modules, et ils ont dû coopérer tout au long du projet pour s'assurer d'une bonne intégration des modules, puisque l'objectif à la fin, c'était de participer à la coupe de robotique. Pour cela, donc, nous on a mis en place un environnement avec, donc là je ne l'ai pas présenté, mais en gros, le projet il est découpé en plusieurs parties, pardon, avec des phases où les élèves vont travailler d'un point de vue individuel, c'est-à-dire qu'ils vont travailler sur, par exemple, l'analyse du robot. Chaque groupe va travailler sur cette analyse, puis après, dans une phase collective, ils vont mettre en commun leurs analyses, de manière à avoir après un document qui va correspondre à l'analyse globale du projet, et ainsi de suite. Donc on a une succession de phases qui, quelque part, rythme le projet. Donc on rythme le projet, on rythme la coopération. Voilà. Et donc on arrive avec ce type d'environnement où typiquement, ils sont en situation de voir les documents qui sont réalisés par eux, mais aussi les documents de leurs petits copains, de manière à arriver après en phase collective où ils ont une connaissance de ce qu'a fait chacun. Donc là, par exemple, le premier module du robot, c'est un robot qui suit la ligne. Le deuxième module du robot, c'est une pièce s'occupant de la balle. Et le troisième module du robot, c'est un bras faisant tomber la quille. Donc chaque groupe doit définir des modules et ensuite, ils doivent partager en fait, ces différentes analyses pour arriver à une analyse, je dirais, commune. Là, vous retrouvez des onglets qu'on trouve classiquement, les systèmes, je dirais, à distance, des forums, un courrier, messagerie plutôt. Là, une réunion collective, j'y viendrai tout de suite après, une planification du projet, des documents, et ici, l'environnement qui permet de piloter les robots, qui est en fait un robotique que je vais vous montrer tout à l'heure, mais version, je dirais, à distance, version Internet, donc utilisée par les élèves. Donc là, vous avez ici un exemple d'espace où on va être amené à décrire le robot, et là, plusieurs éventuellement. C'est-à-dire qu'on va avoir des situations collectives ou en synchrone, où les différents groupes vont être amenés à interagir ensemble sur la même interface. Et c'est là, en fait, où on va créer ces aspects plus, je dirais, collaboratifs à un moment donné, où on va amener les élèves à effectivement discuter, à travailler ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que les élèves se sont rencontrés 2 semaines juste avant la compétition pour pouvoir quand même intégrer les éléments. Voilà, voici les 2 robots qu'ils ont créés. Donc chaque groupe a créé ces robots-là. Ce qui est intéressant, c'est que lors de la coupe de robotique, donc à la Ferté-Bernard, il y a une des 2 équipes qui a fini première ex aequo de la compétition. Parce que, bon, il y a plein d'autres équipes qui ont travaillé dans un contexte de présentiel. Donc là, on a pu montrer qu'à ce type de dispositif, nous avons pu arriver en fait, jusqu'à l'objectif qui était donc de participer à la coupe de robotique. Bien. Alors, vous allez me dire, il y a la mondialisation dans tout ça, puisque c'est l'objectif de la table ronde. Bon, en fait, c'est amplifié, tout simplement. C'est-à-dire, ce que je vous ai parlé là, quand vous êtes dans un contexte de mondialisation, tout se trouve amplifié. On a des effets de mode. CD-ROM, Internet, Serious Game, campus numérique, réseaux sociaux, et maintenant on parle de MOOC. Bon, moi je suis effectivement plutôt informaticien dans une communauté VH et je vois passer ces modes. Donc là on est sur les MOOC. Moi ma question c'est quelle va être la prochaine mode, de façon anticipée, etc. Et quand vous regardez un petit peu ce qui se dit, bon, en fait hier on a eu un exemple par rapport à ça, on est toujours sur les mêmes problématiques. Rien de neuf, je dirais. Mais on est quasiment, quelquefois, sur une fuite en avant technologique. Et notamment, j'aime bien la citation de Jacques Ouellet par rapport à ça, c'est qu'en gros, à peine on a fini une recherche sur l'étude d'un usage, etc., que la technologie de l'application est devenue obsolète. Donc en fait, on court après quelque chose, mais d'un autre côté, il y a tellement de ressources mises à disposition, il y a tellement de systèmes, etc., qu'on se sent obligé de mener des études par rapport à ça. Donc là, je pense qu'il y a des choses à réfléchir et à intégrer, j'y viendrai tout de suite après, par rapport à cette démarche. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on va chercher l'application ailleurs, en pensant qu'effectivement, ce qui se passe ailleurs, c'est bien mieux que ce qui se passe chez nous. Et les MOOC, c'est un exemple. Les MOOC, quand on a démarré au MIT, l'MIT a fait quelque chose, tout on a regardé, et hop, maintenant, hier, on a eu le premier MOOC francophone, voilà, on a le premier MOOC francophone, bon. On voit bien qu'avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc., on a l'impression que, comme ça vient éventuellement de l'extérieur, ça va être une réponse éventuellement de problématiques donc, internes. Mais je dirais, il n'y a pas plus de dispositifs miracles, entre guillemets, ici donc, qu'ailleurs. Il y a quand même une question moi, qui m'a toujours préoccupé, c'est la question des cultures. Alors ça, avec mon collègue Richard Hutt, de la télé-université et donc directeur du LICEF, ça a quelque chose qui nous a beaucoup préoccupé déjà dans les années 98, où on disait, même par rapport à la France et au Québec, une différence de culture. Et ça, c'est extrêmement important lorsqu'on veut regarder un peu ces dispositifs. C'est-à-dire, il ne faut pas croire qu'on prend quelque chose et qu'on le met à un autre endroit. Non, il y a quand même les questions des cultures qui sont derrière. Il y a des modèles économiques, il y a des modèles pédagogiques qui sont différents. Si je prends, par exemple, le développement de ressources pédagogiques, est-ce qu'on se place dans une logique de marché ? Est-ce qu'on se place dans une logique de communauté ? Et quand on parle de communauté, est-ce qu'on parle de communauté d'enseignants, de pratiques, de disciplines ? Je dirais, on peut tout faire. Moi, si je prends un exemple comme Césamath, par exemple, qui est une communauté en maths en France, qui a développé effectivement des ressources qui sont utilisables, voilà, ces communautés de pratiques, qui a mis en place, je dirais, un moyen de fonctionner pour développer des ressources mises à disposition de tous. Donc on voit bien là que par rapport à ces modèles pédagogiques, économiques, parce qu'il ne faut pas croire, hein, quand on parle d'enseignement à distance, même par rapport au MOOC, hein, c'est pas si... Il y a un modèle qui est derrière, et souvent on revient par rapport à ce modèle en montrant que ce n'est pas si simple que ça. En conclusion, attention aux effets de mode. Ça, c'est un point qui me semble important, parce qu'on est toujours là-dedans. Moi, je pense qu'il faut toujours s'appuyer sur les fondamentaux au niveau des apprentissages. Il y a quelque chose qui, à mon avis, qui est toujours là. C'est partir de ça, parce qu'on a pu voir notamment sur l'aspect formation à distance, je disais tout à l'heure, les problématiques restent les mêmes. Elles restent les mêmes. Et on a l'impression, ça m'a toujours amusé, d'arriver en conférence, par exemple sur le campus numérique, où les gens nous présentaient quelque chose comme s'ils avaient, c'était nouveau, on avait recréé, alors que non, ces questions-là, on se les posait déjà il y a une dizaine d'années. Donc c'est un dommage. En fait, il n'y a pas de capitalisation, en fait, où il n'y a pas du tout de prise en compte de ce qui a été fait précédemment. Et je pense qu'il faut réfléchir là en termes d'intégration des technologies. Je parle des technologies nouvelles et pas de nouvelles technologies, parce que bon, c'est fait exprès, parce qu'en fait, on parle toujours de nouvelles technologies. C'est quoi une nouvelle technologie ? Une technologie nouvelle parce qu'elle a progressé éventuellement par quelque chose d'autre. La mobilité, par exemple, on en a parlé, c'est des choses qui sont intéressantes à étudier, mais bon, qu'apporte-t-elle en plus ? Mais qu'apporte-t-elle aussi en moins ? Comment les utiliser au mieux ? Et attention aux questions d'appropriation aussi, ça on en a parlé un petit peu. Ça c'est pareil, c'est une réelle problématique. C'est pas parce que vous mettez un système dans les mains de quelqu'un que la personne va effectivement bien va l'utiliser, en tout cas va se l'approprier. Ça, c'est un phénomène, nous on travaille là-dessus notamment avec Jean-François, donc c'est pas si simple. Et au niveau recherche, je pense qu'il faut aller vers une véritable approche pluridisciplinaire de ces sujets, et c'est là je reviens un peu sur ce que je disais au début, c'est pour ça que je suis venu notamment au CREN, en tant qu'informaticien, c'est pour notamment travailler dans un contexte, je dirais, scientifique de recherche sur ces sujets-là. Parce qu'il me semble qu'en partageant ces différents points de vue, en mettant, je dirais, en perspective nos propres recherches, nous allons peut-être amener à proposer de nouveaux objets. En tout cas, je pense qu'on va faire avancer un certain nombre de choses. En tout cas, à mon niveau informatique, c'est clair que j'ai besoin de ça, de cette approche pluridisciplinaire pour faire avancer donc, ma discipline. Voilà, je vous remercie, j'en ai terminé. Merci Pascal d'avoir terminé sur ce cri du cœur qui nous touche, je crois, directement. Alors, j'ai une petite question à vous poser à la salle, puisque maintenant c'est le moment est venu de poser des questions, mais on a eu 3 présentations à la suite et il y a peut-être un petit peu de fatigue cognitive. Est-ce que vous souhaitez faire une pause avant les questions ? J'ai la crainte qu'une pause ne démobilise peut-être le public, ou on enchaîne, on continue sur les questions, et puis comme promis, de toute façon on va terminer plus tôt dans l'après-midi, puisqu'il n'y aura pas une deuxième table ronde après, donc vous aurez quand même votre récompense pour l'effort fourni, donc on va enchaîner sur les questions, alors merci. Donc merci à nos 3 intervenants, je crois que vous avez vu qu'il y avait des, bien que les perspectives soient différentes hein, dans le mode d'approche, on a quand même constaté en parlant ensemble, en préparant la thématique de la table ronde, qu'il y avait des croisements intéressants entre ces différentes perspectives. Alors, donc, je ne sais pas si les membres de la table ronde veulent réagir très rapidement là, ou si on passe tout de suite la parole à la salle.